Radio Campus Lille, il est 12h. Attention s'il vous plaît, veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi, ce 17 janvier 2026, et donc vous vous préparez à écouter sur les 106.6 MHz de Radio Campus, mais aussi campuslille.com et même DAB+, Anglais d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la métropole lilloise. Attaque, A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Attaque est une association d'éducation populaire et altermondialiste. Au micro aujourd'hui, André, Morgane et Christian et moi-même Florent aux manettes. Et Christian, vous souhaite une joyeuse année 2026. Exactement. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, nous allons poursuivre d'une certaine façon l'émission qui a eu lieu en novembre, semble-t-il, avec Bernard Tepper, avec une focale plus précise sur les retraites. Et donc, lors de l'émission de novembre, c'est André qui va faire l'introduction. André, je précise, comme Bernard, sont à distance pour l'émission. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, très bien, bonjour. Très bien. Très bien. Bonne année, meilleurs voeux à nous tous, puis meilleurs voeux aussi pour la réussite de nos projets. C'est important. Merci. On t'écoute, André. C'est à moi. On t'écoute. Vas-y. Vas-y. Ma petite introduction avant la conférence de Bernard. On t'écoute. Vas-y. Oui. Ben, je vais vous dire, rappeler, d'abord, cinq grosses réformes des retraites ont déjà été menées par les gouvernements depuis 1993. Alors, avec souvent le même discours, il faut rétablir l'équilibre financier de la Sécu. Nous faisons une réforme solide et ce sera la dernière. Ils nous ont donné pas mal de mauvais arguments et des prétextes dont nous allons parler dans cette émission. Parce que ces prétendues réformes, il y en a eu cinq, elles ont réduit les prestations de retraite aux dépens des retraités, elles n'ont pas cherché à augmenter les recettes de la Sécu, elles ont favorisé d'autres intérêts. Par exemple, je me souviens pas mal de la réforme de 2003 du Premier ministre Raffarin. Dans ses grands discours, la sécurité sociale était vraiment en danger, imminent, il fallait la sauver grâce à cette réforme. Mais ils auraient pu décider, on aurait pu décider d'augmenter les taux de cotisation, ça aurait apporté des recettes supplémentaires. Mais ça a été écarté d'office. Et la loi de l'été 2003, qui devait sauver la Sécu, paraît-il très en danger, imminent, n'a comporté aucune mesure financière ni de l'amélioration de la Sécu. Il y a eu encore des réductions de dépenses sociales et la mise en place d'un système de retraite par capitalisation individuelle, le PERP. Je pense important de mesurer toutes les dégradations qui ont été réalisées par plusieurs gouvernements contre notre législation de retraite. Alors, trois grands points. Le salaire annuel moyen, qui est une base du calcul des retraites, auparavant, était calculé sur les 10 meilleures années. Depuis la réforme Balladur de 93, il s'agit des 25 meilleures années. En réalité, beaucoup de ces années sont désavantageuses pour beaucoup de personnes qui travaillent à revenus réguliers, pour les femmes. Donc, c'est vraiment une mesure qui était très pénalisante. Le nombre d'années de cotisation exigibles pour bénéficier d'une retraite complète, il était de 37 ans et demi. et il est passé à 40 ans, puis progressivement à presque 43 ans actuellement. Troisième point, l'âge minimum pour bénéficier de la retraite de sécu est à 60 ans, il est passé à 62 ans grâce à Sarkozy, puis à 64 ans grâce à Macron. Et d'autres menaces sont toujours devant nous. Bon, les organisations syndicales se félicitent d'avoir évité la réforme Juppé de 1984 sur les retraites. Mais elles n'ont pas su éviter les lois Juppé de 1996, qui instaurait le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, et l'ONDAM, objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et depuis 1996, la sécurité sociale n'a plus aucune autonomie. C'est l'État qui dirige de droit et de fait la Sécu. C'est l'État qui fait voter par le Parlement en chaque fin d'année une limite financière. La Sécu des hôpitaux ne devra pas dépasser cette limite budgétaire fixée d'avance et quels que soient les besoins réels. Les décisions maintenant sont prises non pas pour les intérêts de la population, mais pour les intérêts du gouvernement, avec un objectif obsessionnel qui est rappelé régulièrement. C'est la réduction des dépenses publiques, comme si ça pouvait être un objectif intéressant, humanitaire, social. Non, la réduction des dépenses publiques. Pour l'État néolibéral, la Sécu doit être concurrencée par des systèmes privés et réduite à un rôle de plus en plus faible. Cela va à l'opposé tout à fait des grands principes de la sécurité sociale d'origine en 1945. Il faut rappeler ces principes. La solidarité entre tous, l'universalité, une gestion majoritaire par les travailleurs des caisses de sécu, cela a été interrompu en 1967, et un financement par les cotisations sociales indépendamment de l'État. Il y avait une ambition qui était d'aider au mieux toutes les personnes dans des situations habituelles de la vie, comme maladie, accident de travail, maternité, charge de famille, invalidité, vieillesse. Bon, je conclus, la sécurité sociale était à nous. Elle a bien fonctionné pendant des décennies, contrairement à ce qu'on nous raconte. Elle a bien fonctionné pendant des décennies avant que des gouvernements la dégradent. Il nous faut maintenant nous battre, proposer des alternatives pour reconquérir la sécu et l'améliorer. Je vous remercie. Merci André. Merci André, je pense que c'est très clair ton exposé. On va reprendre avec Bernard quelques-unes de tes idées et notamment les mauvaises raisons. Et Bernard, lorsqu'on avait échangé tous les deux, on avait estimé qu'un certain nombre de questions, de fausses idées étaient dans l'air. Pour expliquer qu'il faut dépenser moins pour la Sécu. Est-ce que tu nous entends? Oui, j'entends très très bien. Voilà. Donc, la première des fausses idées, est-ce qu'on aura le temps de parler des trois, parce qu'elles sont quand même énormes. La première, c'était les retraites gagnent plus que les salariés. Les retraités gagnent plus que les salariés. On a de moins en moins d'actifs pour payer les retraites. Ça serait peut-être intéressant de faire une focale là-dessus. Et le classique, comme on vit plus longtemps, on peut travailler plus longtemps, comme si le travail était un horizon comment dire, indépassable. Et ça va à l'encontre de tout progrès social, en plus. Oui. Nous t'écoutons. Oui, alors donc, le problème, en fait, que, comme l'a expliqué André Delcroix, le problème pour les néolibéraux, il est relativement simple. Il faut en fait faire en sorte que les retraites, je dirais, permettent au néolibéralisme de fonctionner. Et donc, il y a une chose qu'il faut bien comprendre sur le problème des retraites, c'est que on peut agir sur quatre domaines. On peut agir sur l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui de 64 ans. On peut agir sur le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite. Troisièmement, on peut agir sur le montant des cotisations. Et quatrièmement, on peut agir sur le montant de la retraite. En fait, les néolibéraux ont décidé dans leur projet qu'on pouvait agir sur l'âge de la retraite, sur le nombre de trimestres et sur l'abaissement des retraites. Mais que par une décision, je dirais, qui ne peut pas s'expliquer, eh bien, on n'a plus le droit d'augmenter la cotisation sociale. Et donc, à partir du moment où on ne peut plus augmenter la cotisation sociale, eh bien, on ne peut agir que sur les trois autres leviers. Mais il faut savoir que, par exemple, sur les retraites, on est passé de 5% du PIB, c'est-à-dire 5% de la richesse produite par l'ensemble des travailleurs en France en une année, on est passé de 5 à 14%. Et tout s'est très bien passé. Maintenant, ils estiment que 14%, c'est la limite. Et ils ne peuvent bien évidemment pas justifier cela. Et que donc, s'il y a un problème, je dirais financier, eh bien, obligatoirement, il ne reste que l'augmentation de l'âge pour partir à la retraite, l'augmentation du nombre de trimestres requis, ou alors la baisse des retraites. Alors que de façon tout à fait normale, lorsqu'il y a de plus en plus de richesses, il est tout à fait normal de pouvoir augmenter le montant des cotisations. Voilà. Je souhaitais commencer comme cela. Et pour pouvoir lutter contre l'augmentation des cotisations, les néolibéraux, eh bien, inventent des fake news, inventent des mensonges que l'on va essayer d'expliquer et de contrer. Alors, la fausse idée lancée par les néolibéraux, c'est de dire il y a le problème des retraites est un problème démographique. C'est-à-dire il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, donc il y a un problème. Et donc, ils estiment qu'il faut partir du ratio retraité-nombre d'actifs. En réalité, ce ratio n'explique rien. Et ce ratio, utiliser ce ratio est en fait idiot. Et pour le montrer, je vais prendre une analogie avec la décroissance du nombre de paysans pour bien faire comprendre que il y a là, je dirais, une analogie intéressante à comprendre. Alors, je fais l'analogie sur les paysans, je reviens sur les retraites après. Sur 50 ans, c'est-à-dire entre 1960 et 2010, le nombre de paysans a été divisé par 10, et le nombre de bouches à nourrir a été multiplié par 2,5. Et pourtant, en 2010, la prophétie, je dirais, d'un paysan de la FNSEA, eh bien, ne s'est pas réalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de famine en France en 2010. Pourquoi il n'y a pas eu de famine en 2010? Tout simplement Parce que ce qui compte, c'est pas le nombre de paysans et le nombre de bouches à nourrir. Ce qui compte, c'est le nombre de bouches à nourrir et la production créée par les paysans. C'est-à-dire que on doit tenir compte de la productivité du travail. Maintenant, c'est la même chose pour les retraites. Ce qui compte, c'est la richesse produite par l'ensemble des travailleurs sur une année en France et le nombre de retraités. Mais le nombre d'actifs n'est en rien explicatif. Alors, si je reprends par exemple les chiffres du Conseil d'orientation des retraites, c'est-à-dire que je prends les chiffres, je dirais, officiels, le Conseil d'orientation des retraites avait prévu que sur 40 ans, on allait passer de 6 retraités pour 10 actifs à 9 retraités pour 10 actifs. Donc une augmentation du nombre de retraités et proportionnellement un abaissement. Mais en réalité, sur ces 40 ans, il y a eu une augmentation de la production, de la richesse, de 90%. C'est-à-dire qu'en fait, en 40 ans, il y a eu une augmentation du nombre de retraités, il y a eu une diminution du nombre d'actifs, mais dans ce temps, la richesse produite par la France a augmenté de 90%. Et que donc, ça a donné j'ai perdu mes notes. Oui, en fait, ça a stabilisé les dépenses des retraités dans le PIB, en gros. Voilà. Sur la période d'ici entre. C'est-à-dire qu'en fait, l'augmentation du salaire moyen a été de 60%. Voilà. Donc, pour maintenir, en fait, le niveau des retraites, il suffirait d'une augmentation sur 50 ans de 18,7%. Voilà le décompte. Oui, sur 50 ans, 18% sur 50 ans, ça fait pas beaucoup par an. Ça fait pas beaucoup par an. Voilà. Tout simplement, là je vous fais le calcul, je vous fais pas le calcul au tableau, hein. Mais donc on est bien d'accord, on a une augmentation du nombre de retraités, une diminution du nombre d'actifs, mais nous avons une augmentation en fait de la production des richesses, parce que la productivité du travail en 40 ans, elle augmente. Et que donc en faisant les calculs, eh bien il faut une augmentation de 18,7% des cotisations, mais sur les 50 ans. Voilà, donc les chiffres, j'ai trois chiffres qui sont explicatifs, si tu veux. En 2025, le poids des retraites dans le PIB est de 13,9%. En 2045, de 14,1%. Et en 2070, de 14,2%. Donc effectivement, la stabilité dont tu parlais est bien là. Absolument. Absolument. Alors qu'en réalité, il n'y a rigoureusement aucun problème, par exemple, pour prévoir d'ici 2070, puisque c'est l'horizon en fait, du Conseil d'orientation des retraites, d'avoir des retraites avec des cotisations avec des taux de 18 à 20%. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que si j'avais un tableau, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un cercle qui serait aujourd'hui le volume des retraites, et je ferai à côté un autre cercle plus grand, parce que la richesse, elle augmente d'année en année, même si la croissance est faible, même si la croissance est de 0,6% par an, ou de 0,8% par an, sur 40 ou 50 ans, eh bien, il y a une augmentation, en fait, de la richesse. Et donc, on peut prendre une augmentation du taux de cotisation, parce que même en augmentant, par exemple, la cotisation de 14 à 18%, par exemple, eh bien, ce qui reste en dehors des retraites est supérieur dans le deuxième cas que dans le premier cas, parce que le cercle est plus important. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je pense que c'est tout à fait clair, en effet. Il y a donc ce que tu viens de dire, fait justement le point aveugle du raisonnement libéral, c'est qu'on oublie complètement les recettes et que les salariés ont déjà, les syndicats ont déjà proposé d'augmentation du point de cotisation pour pouvoir être équilibré les retraites. Didier a une question. Oui, une question sur... On pourrait dire que les néolibéraux sont souvent amnésiques, c'est-à-dire ils disent partout qu'il y a une augmentation de la productivité, qu'on augmente la productivité du travail, ce qui est vrai. Mais lorsqu'il faut calculer les retraites, ils font comme s'il n'y a pas d'augmentation de la productivité du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation des richesses. En fait, plus ça va, plus on produit, et plus on produit même par tête de salarié présent dans l'usine. C'est une règle depuis, je dirais, le début du capitalisme. Une question de Didier. Oui, ouais, enfin, tu viens de répondre à ma question. C'est simplement sur la notion de productivité. Les libéraux ont tendance à dire que la productivité n'augmente pas, voire est en baisse. Enfin, ils jouent un peu là-dessus pour justement nous alerter sur la question des retraites, quoi. En règle générale, pratiquement la croissance, en tout cas en France, elle a toujours été positive. Aujourd'hui, par exemple, on a une croissance beaucoup plus faible qu'il y a 40 ou 50 ans. Bien sûr, oui. Mais on a quand même une croissance, suivant les instituts, qui, pour 2026, il est question de 0,6 à 0,9% de croissance, oui, sur une année. Le corps a prévu une moyenne de 0,7% sur la période 2025-2070. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans les raisonnements des néolibéraux à la télévision, en fait, ils ne tiennent pas. Ils tiennent pas compte de ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que l'ancien président du corps a été purgé. Parce qu'en fait, il avait montré qu'il n'y avait pas, je dirais, une catastrophe sur le plan des retraites. Oui, et ça n'a pas plu du tout à Madame Borne. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on a changé avec quelqu'un qui ne fait plus les mêmes discours. Gilles Berset, en effet. Complètement, oui, actuellement, c'est Gilles Berset, absolument. C'est absolument dans l'esprit. Bien, voilà, peut... alors... Maintenant, il y a d'autres fake news. Le problème de dire, on vit plus longtemps, donc on devrait travailler plus longtemps. Mais pourquoi? Au contraire, si on peut distribuer des retraites dignes. En vivant plus longtemps, bah, ça montre simplement que l'espérance de vie augmente, et donc c'est plutôt positif. Il n'y a pas cette idée que on n'a pas le droit d'avoir une retraite de plus de X années. C'est ce qu'on appelle le progrès social, du temps pour vivre, quoi. Exactement, c'est-à-dire qu'on devrait, avec les progrès sociaux et économiques, eh bien, on devrait au contraire être satisfait qu'il y ait une augmentation, je dirais, du temps de retraite en bonne santé. En bonne santé. Ouais, c'est ça le truc. Je signale que dans le capitalisme actuel, il y a une stagnation de l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, aujourd'hui, elle fluctue entre 63 et 64 ans. Mmh. Je parle en moyenne, bien évidemment. Alors que l'espérance de vie est globalement de 79 ans pour les hommes et de 85 ans pour les femmes. Mais l'augmentation, je dirais, de l'espérance, l'augmentation de l'espérance de vie s'est faite avec une très forte dégradation de la santé des retraités. Et c'est ça qu'il faut voir. En fait, le bon indice, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et je rajoute aussi, c'est que ce qui est important, enfin, quand on donne des moyennes comme ça, c'est que c'est le départ retraite en bonne santé, il est très variable du métier qu'on a fait. Et donc, le départ en retraite devrait aussi prendre en compte ça pour justement être en retraite en bonne santé et pas que le travail nous a tués à la tâche, comme on dit. Absolument. On n'a pas les mêmes maladies professionnelles si on est un Bernard Arnault, un Vincent Bolloré, que si on est si on a passé une partie de sa vie à faire les 3-8 ans d'usine, à être auxiliaire de vie, à être infirmière, etc. quoi. Et en fait, lorsqu'on travaille en moyenne, c'est plus facile parce qu'on donne qu'un seul chiffre. En réalité, ce qu'il faut bien dire à tous nos auditeurs, c'est que le maintien disons, des 63-64 ans en espérance de vie, en bonne santé, se double d'une augmentation des inégalités sociales sur ce critère. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des catégories qui meurent de plus en plus tôt, et il y a d'autres catégories qui vivent de plus en plus et en bonne santé. Voilà. Donc, évidemment, les moyennes, il faut les modérer par l'augmentation des inégalités. Voilà. Alors, un autre. Je crois qu'on devrait peut-être passer maintenant aux réformes de récentes, si tu veux bien. Oui, je veux bien, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Alors donc. Il n'y a pas de problème. Oui, je t'écoute. Il y avait aussi le problème des idées, les fonctionnaires et les retraités sont mieux traités que le reste de la population. Tout ça est faux, hein, en réalité. Pareil, tout ça est faux. D'une part parce qu'il y a de très fortes inégalités, et d'autre part, le chiffre moyen montre au contraire que le chiffre moyen entre les fonctionnaires, les retraités et le reste des salariés est à peu près équivalent. Simplement, il y a de plus en plus d'inégalités dans la distribution des retraites et il y a de plus en plus d'inégalités, je dirais, dans les retraites des fonctionnaires ou dans les retraites des autres catégories de la population. Alors maintenant, sur les différentes réformes. Alors, est-ce que vous voulez qu'on dise quelques mots sur réforme à points et réforme... Les retraites à points, puisque oui, ça a l'air d'être quand même une idée dans l'air, quoi. Oui. Voilà. Et puis aussi les problèmes d'accumulation de retraite. Par capitalisation aussi. Il est tout à fait évident que le cornu, avec sa suspension suggérée par le Parti socialiste, n'a pas du tout oublié que les retraites à points sont quand même un des chevaux de bataille, je ne sais pas si on dit un cheval de bataille au pluriel, là, pour la campagne présidentielle de 2027. Et ça a été, en fait, au départ, la proposition d'Édouard Philippe, on y vient. Le premier Premier ministre de Macron. Mmh. Alors d'abord, la retraite à points. Alors pourquoi la retraite à points est avancée par les néolibéraux? Ben, c'est extrêmement simple. C'est qu'en fait, ce que souhaitent les néolibéraux est la chose suivante. Et ça, ça peut s'expliquer très bien, même sans un tableau noir. En fait, si on est dans la retraite à points, ça veut dire que toutes les personnes ont accumulé un nombre de points, et chaque année, il y a un nombre de points supplémentaires. Et lorsqu'on part à la retraite, eh bien, le nombre de points multiplié par le nombre d'euros par point, eh bien, donne la quantité d'argent qui est fournie par les retraites. Mais là, ce qui est important, du coup, c'est le nombre d'euros par point, parce que ça peut changer par décret, je pense. Oui, bien sûr. Et pourquoi ils sont intéressés? C'est qu'en fait, qu'est-ce que souhaite un néolibéral? Quand je dis néolibéral, c'est un néolibéral de droite ou de gauche. Hein, on est d'accord. Parce qu'il y a des néolibéraux, il y a des partis néolibéraux à gauche. Un social-libéral, on va dire. Et donc, ce qu'ils veulent, c'est de dire, voilà, les 14% de cotisation, ça donne un certain montant d'argent, on divise par le nombre de points total et on a le nombre d'euros par point. Et à ce moment-là, il n'y a plus jamais de déficit. Et donc, c'est très facile à calculer. Le problème avec ce système-là, et partout où ce système est appliqué, eh bien, ça aboutit petit à petit à une diminution de la pension de retraite. Tout simplement, lorsque, par exemple, il y a moins d'argent, eh bien, on fait toujours la division de l'argent total divisé par le nombre de points global de tous ceux qui sont à la retraite. Et on a toujours un chiffre, et c'est ce chiffre qui est distribué en tant que pension. On peut dire que si on augmente les cotisations, ça pose pas trop de problèmes, mais on sait qu'ils veulent à la fois la retraite à points et à la fois ne pas augmenter, voire diminuer les cotisations. Donc on sait que ce qu'il va avoir, final, c'est une diminution des pensions retraite. C'est tout à fait la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Une chaîne de bénéficiaires, au moins chacun pourra toucher. En plus, nous sommes nombreux, au moins nous toucherons prestations. Ça aussi. Le problème pour eux, est, il faut pas de déficit et il faut pas qu'il y ait plus de 14% du PIB dans les retraites. Voilà. Ils disent vive la retraite à points, ils ne disent pas en même temps qu'ils veulent en fait la retraite avec 14% du PIB comme montant total des retraites. C'est ça. Ça, c'est le numérateur. Au dénominateur, comme il augmente, effectivement, la division est facile à faire, ça diminue. Didier, est-ce qu'on peut dire que la retraite à points, c'est quand même un marchepied vers la capitalisation, finalement? c'est même déjà de la capitalisation, mais c'est contrôlée par l'État. Le problème, c'est effectivement ça améliorerait, je dirais, ça accélérerait la marche vers la capitalisation. Alors, la capitalisation, là où il y a mensonge, parce que sur les retraites, il y a mensonge de la tête aux pieds. Sur la capitalisation, le problème, c'est qu'ils disent, voilà, ce qu'on vous propose, vous, futurs retraités, nous vous proposons la chose suivante, c'est que la capitalisation, vous allez capitaliser pour votre retraite. Comme si il était évident que la distribution, parce que dans la capitalisation, ce qui se passe, dans la répartition, c'est en fait les actifs qui payent des cotisations pour que les retraités puissent toucher des retraites. C'est-à-dire que c'est les actifs qui payent la retraite des retraités. Eh bien, ce que je voudrais dire à ce moment, c'est que dans la capitalisation, c'est également les actifs qui payent pour les retraités. Bah oui, tout à fait. Oui. Alors, je vais l'expliquer rapidement, si j'ai le temps. Qu'est-ce que c'est une société qui fait de la capitalisation de retraite? C'est en fait un fonds de pension. C'est donc une société qui passe un contrat avec tous ceux qui veulent de la capitalisation. Voilà. Il passe un contrat. Et cet argent qui est reçu à chaque cotisation au fonds de pension est placé de façon financière. Voilà. Et lorsque un contractant arrive à la retraite, effectivement, il faut lui payer sa retraite. Mais qui paye cette retraite? Eh bien, c'est un autre contractant actif qui accepte de payer la cotisation à l'intérieur de cette entreprise. Et que s'il n'y a pas de nouveaux cotisants, à chaque fois qu'il y a des cotisants qui sortent parce qu'ils vont toucher une retraite, eh bien la société, elle périclite, et bien évidemment, la poule aux œufs d'or, elle ne fonctionne plus. Donc, soit le fonds de pension est incapable de trouver de nouveaux cotisants, soit le fonds de pension dépose le bilan, ce qui a été le cas d'une société aux États-Unis qui s'appelle Enron. Enron, E-N-R-O-N. Un scandale des années 90. Ouais. Comment ? Un scandale des années 90, il me semble. Tout à fait. Et donc, il suffit que chaque auditeur tape Enron, E-N-R-O-N, pour apprendre par son ordinateur le scandale que d'une journée à l'autre, eh bien, la société Enron n'était plus capable de verser aucune retraite. Donc, le risque de la société de capitalisation, elle est de deux ordres. Premier ordre, comme c'est une société financière, eh bien, elle dépose le bilan. Et ça, c'est possible lorsque, y compris quand il y a, par exemple, des chutes comme 2008, 2007-2008, où il y a eu un crack, ben lors du crack, il y a des fonds de pension qui disparaissent. Voilà. Et la deuxième possibilité de difficulté, c'est que si on n'arrive pas à remplacer les actionnaires du fonds de pension par de nouveaux actionnaires qui sont en activité. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué que c'est toujours les actifs qui en fait payent les retraites. Vous pouvez trouver dans vos librairies. Vous pouvez trouver dans les librairies, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices, de retrouver le livre de Frédéric Lordon, Fonds de pension, piège à con. Didier, une question. Oui, c'est juste parce qu'on arrive au terme de l'entretien. Donc, au niveau des luttes, au fur et à mesure que les réformes s'accumulent, on a tendance à constater que les revendications sont à la baisse aussi. Qu'est-ce qu'il faut maintenant revendiquer en matière de retraite ? Alors, en ce qui concerne la retraite, si on suit le raisonnement que j'ai donné préalablement, il y a une nécessité d'augmenter le taux de cotisation. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, quand il y a une augmentation des richesses, il est nécessaire d'avoir une augmentation du taux de cotisation. Voilà comment il faut partir au niveau du raisonnement. Alors, qu'est-ce que font les néolibéraux ? Ils font l'inverse. Au lieu d'augmenter le taux de cotisation, ils le diminuent. Parce que les gouvernements néolibéraux font des exonérations de cotisations sociales. Ils font des exemptions de cotisation sociale. Et donc, non seulement pour l'ensemble de la sécurité sociale, il faut supprimer les exemptions, les exonérations de cotisation sociale. Je signale que dans le cas de la Sécu, pas simplement des retraites, mais de la Sécu, c'est quand même 85 milliards d'exonérations, 15 milliards d'exemptions. Et donc, ça fait 95 milliards s'il n'y avait pas eu cette exemption et cette exonération. En ce qui concerne spécifiquement les retraites, eh bien, ce qu'il faut, c'est en fait augmenter le taux de cotisation régulièrement, mais augmenter à la vitesse que j'ai donnée tout à l'heure. C'est-à-dire, bon, d'après les calculs, 18,7% en 50 ans, ça fait, disons, arrondissons à 20% sur 50 ans, vous voyez que l'augmentation des cotisations serait relativement faible, je dirais, d'une année sur l'autre. On ne va pas étrangler les entreprises comme ça. Oui, bien évidemment. Rien n'empêche, si certaines entreprises sont en difficulté, rien n'empêche à l'État d'aider ces entreprises. Si, par exemple, c'est des entreprises qui sont très importantes pour l'État. Toujours le principe, les entreprises qui ont les moyens, ils devraient payer plus que ceux qui ont moins de moyens par solidarité avec les plus petites entreprises. Ça paraît quand même logique. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et pour vous montrer qu'il n'y a pas de problème d'argent, si je peux me permettre de suggérer à nos auditeurs un livre. Et on va peut-être terminer là-dessus. Nous t'écoutons. Il y a un livre qui s'appelle « Le grand détournement ». Voilà. Qui est sorti, je crois, l'année dernière. Alors, « Le grand détournement », c'est un livre qui est écrit par deux journalistes du Nouvel Observateur. Ah oui. Et qui, en fait, chiffre à 270 milliards. Je répète, car répéter c'est enseigner, 270 milliards d'aides de l'État aux entreprises sans contrepartie. Ce qui veut dire que nous sommes dans la situation où il y a un énorme ruissellement. Mais c'est pas le ruissellement des philosophes libéraux qui disaient que il faut enrichir les riches pour que par ruissellement les pauvres augmentent de revenus. C'est un ruissellement de bas vers le haut de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le système des impôts est un système qui prend les impôts, et tout le monde sait que c'est les plus pauvres qui payent le plus fort taux d'impôts, principalement par la TVA. Parce que même si on paye pas l'impôt sur le revenu, on paye la TVA. Et donc, on est dans la situation où, pour le fonctionnement du capitalisme actuel, 270 milliards d'euros sont fournis aux entreprises sans contrepartie. Et donc, on n'a pas de problème. On a simplement à bien réfléchir et à faire comprendre à l'ensemble des citoyens la chose suivante. C'est que nous avons déjà sur la sécurité sociale 85 milliards d'exonérations, 15 milliards d'exemptions, soit 90 milliards d'euros. Et nous avons 270 milliards d'euros, je vous renvoie au livre que je vous suggère, qui sont des aides sans contrepartie et qui organisent un ruissellement du bas vers le haut, c'est-à-dire c'est les plus pauvres qui financent les dividendes des plus riches. Eh bien, alors bien évidemment, vous comprenez qu'avec ça, il n'y a aucun problème de financement. De financement, en tout cas. De savoir où est l'argent. Le seul problème, bien sûr, c'est qu'il faut changer de modèle politique. D'accord. Ah, voilà, c'est une bonne idée. On va essayer de terminer là-dessus. Oui, merci Bernard, merci André. Et oui, on va terminer là-dessus. Et on fait une petite pause musicale. Merci à tous les deux. Merci. C'est décidé, dorénavant, je serai au lit à 20h30 tous les 31 décembre pour plus jamais de mon vivant voir des gens heureux crier à qui veut bien l'entendre. Bonne année, bonne année. Mais niquez-vous, putain, on sait très bien que ce sera une année de merde et ça commence dès le 1er janvier. Quand t'essayes de décoller tes cheveux de l'oreiller rempli de gerbes et ça continue le 2 janvier et le 3 janvier et le 4 et les 365 jours suivants parce qu'il n'y aura jamais de bonne année parce qu'on est des merdes et qu'on fait de la merde depuis toujours et tout le temps. J'ai même pas envie de mettre de refrain. Que cette chanson soit comme cette année, décevante et déprimante, mais je vais quand même mettre un refrain. Pour les gens qui ont besoin de se raccrocher à des choses rassurantes. C'est une nouvelle année de merde, avant la prochaine année de merde. C'est parti pour cette année de merde, qui met un terme à l'ancienne année de merde. Pas bien toute cette joie du nouvel an. En l'an 2 peut-être, mais là on a de l'expérience depuis le temps. C'est peut-être juste un grand soulagement de se dire ouf, on n'est pas encore tous morts à cause de nous-mêmes finalement. Et on fioupi, ouais, on est encore là. On va pouvoir continuer à commander des trucs. Tout s'écroule, mais on est encore là. Y'a des fachos partout, mais on peut continuer à commander des trucs. Je comprends pas trop les feux d'artifice. Est-ce qu'on célèbre Gaza, le Soudan ou les audiences de CNews? Pourquoi s'extasier d'être en 2026 alors que 2025 aussi, c'était déjà bien la loose? Peut-être une chose dont on peut se réjouir, c'est que même si cette année non plus ça va pas être la fête, au moins c'est sûr que ce ne sera jamais pire que ce qu'on va vivre juste après en 2027. Mmh, miam miam, on a hâte. C'est une nouvelle année de merde avant la prochaine année. Mettre un terme à l'ancienne année de merde. Wouh ! Guédré ! Eh oui, c'était Guédré dans l'émission La Dernière sur Radio Nova. Et donc, vous êtes bien sur Radio Campus, 106.6 MHz, campuslille.com et DAB+, et c'est l'émission Angle d'Attaque. Et donc, on va passer aux actualités d'Attaque au niveau national et local. National, donc tu as parlé de l'émission La Dernière, donc il y a eu deux porte-parole d'Attaque, Yuli Yamamoto et Raphaël Prado, qui ont pu présenter l'association dernièrement, c'était au mois de novembre, je crois. On va parler un peu des municipales avec Mérimi, donc qui est un site dédié aux prochaines municipales des 15 et 22 mars pour interpeller collectivement les candidats de vos villes, une initiative pour favoriser la démocratie locale et la citoyenneté. Le site a été présenté à la dernière rencontre des comités locaux de novembre, et 36 associations et collectifs se sont coalisés pour cette initiative. Ensuite, sur l'actualité, c'est aussi le Mercosur. Donc, une large majorité de députés a voté contre l'adoption par la France du Mercosur. Cet accord commercial, on le rappelle, entre l'Union européenne et 5 pays d'Amérique latine. Attaque en juin maintenant Macron de se prononcer clairement contre cet accord et de respecter ce vote en bloquant les ratifications de ce traité qui constituerait une régression écologique, sociale et démocratique. Même si Macron a indiqué son refus, rien n'est joué. En dépit de la mobilisation des syndicats d'agriculture et de l'opposition de Macron au Mercosur, l'accord risquait fort d'être adopté. Donc, dans le cadre de cette campagne, Attaque soutient aussi deux manifestants de la Confédération paysanne, qui s'appellent Thomas Gilbert et Stéphane Gallet, interpellés lors d'une manifestation. Le Venezuela, donc non à l'impérialisme et solidarité avec la population du Venezuela, donc Attaque a soutenu la manifestation du 10 janvier contre le coup de force américain à Caracas et dénonce une agression prédatrice qui s'inscrit à rebours du droit international et de la souveraineté des nations. On va s'arrêter là pour la nouvelle rubrique « La presse pas pareille ». C'était pas toi, Christophe. Ah, c'est Morgane. Oui. Alors, on peut revenir sur l'une des vidéos de Clément Viktorovitch, donc sur sa propre chaîne, en fait, notamment sur YouTube, où il reprend, en fait, ce qu'il fait sur Twitch, là où il parlait de révélations entre grands guillemets. Lui-même, il dit, c'est pas des grandes révélations, mais sur le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique. Et alors, notamment, il prend l'exemple de trois anciens parlementaires macronistes qui ont rejoint Place Publique, donc notamment Sacha Houlier, qui a quand même soutenu la réforme des retraites Borne de 2023, qui est allé jusqu'à soutenir quand même la loi immigration, donc là, faut le faire au niveau, un peu plus au niveau droitier, et qui encore, fin 2025, tweetait qu'il soutenait la suspension de la réforme des retraites, mais qu'en même temps, il croyait quand même que c'était très très important, la réforme des retraites de 2023, parce que il fallait s'intéresser à l'équilibre des comptes au niveau de la retraite. Il y avait aussi Monsieur Rousseau, c'était Arnaud Rousseau. Aurélien Rousseau, oui, voilà, Aurélien Rousseau, qui a un petit peu le même palmarès, ancien macroniste, qui travaille également sur la réforme des retraites, et Marguerite Cazeneuve, donc pas en lien avec Bernard Cazeneuve, mais Jean-René Cazeneuve. Donc alors, on peut dire une femme, lui faire des reproches par rapport aux hommes qui l'entourent, c'est un peu injuste. Oui, certes, mais elle est également dans les groupes de travail sur la réforme des retraites de 2023, et le leitmotiv de... De 2020, excuse-moi, c'est des retraites à points. Retraite à point, oui, voilà. Et le leitmotiv de monsieur Glucksmann, c'est de dire, ah oui, oui, mais on travaille sur le programme, on travaille sur le programme, on travaille très fort. Oui, bah, il travaille tellement fort, mais en fait, il fait aucune annonce et il s'entoure de gens qui sont très, très pro-macronistes, en fait. Alors, même s'il dit que c'est une bonne chose d'avoir d'anciens macronistes autour de lui, parce que ce sont des gens qui ont vu la lumière, qui ont vu la Vierge, qui ont vu je ne sais pas trop quoi, mais voilà. Des ravis de la crèche. Merci. On passe aux actualités. Donc, si je retrouve mon papier. Local donc. Bien, il y avait une manifestation excellente avant-hier à Sciences Po, où des associations de défense de la nature en ville, dont évidemment Parc, dont Delaire et d'autres, ont défendu devant les candidats et candidates aux élections municipales, ont défendu leur projet de garder des espaces verts dans la métropole et notamment à Parc, bien sûr, les 23 hectares de la friche de la CNAM. De la CERNAM, pardon. Un ciné-débat, le 27 janvier, notez la date, le film « Hors service » sur l'abandon des services publics et la souffrance au travail. Six témoins, qui sont des vrais témoins, hein, c'est pas des acteurs, qui sont dans un film, parlent de la difficulté qu'ils ont à vivre, qu'ils ont eu à vivre, et qui a abouti à chacun... a démissionné, chacun et chacune a démissionné de leur poste de fonctionnaire. Une autre manifestation sur la justice fiscale. Le comité local de Roubaix-Tourcoing propose un débat public sur la justice fiscale avec Albert Monnier, conseil scientifique d'attaque. Le débat aura lieu le 27 janvier à la librairie Combo à Roubaix. C'est malin, c'est le même jour que le film Hors Service. Des fois, il faudrait se coordonner. Hein. C'est le 28 janvier. Ah, pardon. 28. Ah, ça va. Avec Alban Monnier, donc. Oui, Alban Monnier, d'accord. J'ai dit quoi ? Albert. Albert. Bon, eh bien, le canal Seine-Nord, dont on a parlé ici avec Fran, vous vous en souvenez, à la rentrée, eh bien, c'était même l'année passée, avant l'été. Avec Fran, on avait parlé du canal Seine-Nord. Eh bien, il y a eu une manifestation du canal Seine-Nord qui a été évoquée de façon tout à fait éclairante dans le ligne d'attaque de janvier 2026. Y a-t-il quelque chose d'autre à ajouter ? Non, simplement, je dirais, le dernier livre d'attaque, c'est donc Travail, Climat, Même Combat, qui appelle un dialogue et des actions communes entre les associations écologistes et le monde du travail, donc à travers ces organisations syndicales. C'est déjà l'objectif de l'Alliance écologique et sociale dont on a déjà parlé. Et sur le même sujet, je vais rajouter, à l'espace culture de l'Université de Lille, à Cité Scientifique, il y a le 29 janvier à 18h, une conférence gesticulée de Nicolas Dubois qui s'intitule « J'aime le travail, mais parfois ça fait mal ». Excellent. J'ai encore une annonce, en fait. Le film Nos hommes à l'univers. Nos hommes, oui. D'accord. Aura lieu ben, le jour de la fête du cinéma, l'univers, le 31 janvier. Pardon. Bon, on s'arrête là se retrouve dans 15 jours, oui, pour le janvier. Pour le cinquième samedi de janvier. Mmh. Et on va parler de quoi, Christian ? Et on va parler justement de ce 15 janvier, où étaient présentes notamment Bénédicte Vidaillé de Parc, avec Yolande Vindels, qui est aussi membre d'Attaque et qui fait partie de ces différents locaux, de ces différentes associations qui défendent la nature à Lille. Merci. Et donc, je vous rappelle que les invités étaient interviewés à distance grâce au système de visioconférence Jitsi, qui est un logiciel libre et qui est ici proposé par l'université via le réseau Renater. Voilà. Bonne journée, bon week-end à vous et à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Au revoir. With those blues on parade, but I'm not afraid. Old Rover, he just crossed over. If I never have a cent, now are you kidding? I'm gonna be rich, rich as Mr. Rockefeller. That's what you are. Gold dust at my feet and in your boots on the sunny side of the street.